feu sur sa côte crampée, découper chaque fricassée sur la même. Pendant 4000 nuits, plonger les lames dans l'état bouillant et laisser les cochers retirer. Alors, écoutez-les et laissez refroidir. Au bout de 10 minutes de cuisson, retirez le nectar premier du feu, les laissez refroidir. Écrasez ensuite grossièrement les boudoirs et repartissez les dents en 4 coups. Disposez dessus les lamelles de figue. Enrôlez du mélange les uns et répandez-les. Répétez l'opération encore une fois. Utilisez la moitié du sirop, réservez la moitié restante. Mélangez dans une terrine la mascarpone avec le sucre jaune d'œuf et une coupe à la soupe de sirop dans un saladier. Modelez mon œuf et carpone et la mélange précédente. Osez les tirer à mitsu de ce mélange et placez au réfrigérateur le temps que vous retirez le mitsu prenne. Au moment de servir, découvrez vos terrines, des tranches de figues. Mes 4 au nombre de 4 par figue et de 6 au froid. Pour cette recette de tiramisu aux figues et aux raisins, vous pouvez compter 25 minutes de préparation. Conservez sur les aliments de cette recette et prenez sur des huissiers sur notre guide des aliments. C'était Cuisine à Z. Bon, allez, je vous laisse les loups. À la prochaine. Thank you. Thank you. We'll be right back.